بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bienvenue aux chers frères et sœurs pour ce dernier cours, inshallah ta'ala, dans l'explication des annulatifs de l'islam de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Et donc, l'auteur qui dit At-Tasi'a, le neuvième, donc le neuvième annulatif. Man ya'taqad anna ba'd an-nas yas'ahu al-khuruj 'an shari'ati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kama wasi'a al-khadir al-khuruj 'an shari'ati Musa alayhi salam. Et donc le neuvième annulatif de l'islam, celui qui a la ferme croyance que certaines personnes, il leur est possible de quitter la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la même façon que Al-Khadir a pu délaisser, a pu quitter la législation de Moussa alayhi salam. Celui qui a cette ferme croyance est alors un croyant. Et donc l'histoire, au cher Afkar barakallahu fikum, l'histoire entre Moussa et Al-Khadir, c'est une histoire qui est connue. On la trouve donc dans Surat Al-Kahf. Et en résumé, dans cette histoire, Moussa alayhi salam, il fut interrogé, il fut questionné, qui est le plus savant? Alors il a répondu, Ana a'lam, je suis le plus savant, c'est-à-dire, en fonction de ce que je sais, c'est moi. D'après moi, c'est moi qui suis le plus savant. Alors Allah tabaraka wa ta'ala, et d'ailleurs Moussa alayhi salam, il n'a pas dit Allahu a'lam. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala a fait révélation à Moussa qu'il y a ailleurs un serviteur parmi ses serviteurs qui connaît ce que Moussa alayhi salam ne connaît pas. Et ce serviteur, c'est Al-Khadir. Alors, Moussa s'en est allé et a voyagé pour rencontrer cet homme. Et il y a dans cette histoire, que vous pouvez lire dans Surat Al-Kahf, comme je vous ai cité précédemment, il y a énormément de leçons à tirer. Il y a énormément de leçons à tirer dans cette histoire. Et parmi les leçons qu'il y a dans cette histoire, il y a le fait que Moussa, alayhi salam, il fait partie des meilleurs prophètes, des meilleurs messagers. Il fait partie des meilleurs messagers. Et Al-Khadir est un serviteur pieux. Et cela n'a pas empêché à Moussa d'être humble. Et Moussa alayhi salam, il n'a pas dit je suis meilleur que lui. Je suis messager, moi. Il n'a pas dit je suis meilleur que lui. Mais il est allé et a voyagé jusqu'à ce qu'il rencontre ce serviteur pieux. Il y a aussi dans cette histoire, l'importance d'étudier la science et de voyager pour cela. Certains ulama citent même que Moussa alayhi salam fut le premier qui a voyagé pour faire talab al-ilm, pour étudier la science. Et donc il est important, barakallahu fikum, qu'on accorde une grande importance à ce sujet. Voyager pour étudier. Et il est aussi important, car Moussa alayhi salam, il était un messager envoyé à Béni Israël, aux enfants d'Israël. Il les prêcha, il les appelait à l'islam. Il les a délaissés pendant un moment afin d'aller voir Al-Khadir. Certains savants ont tiré de cela qu'il est important que le prédicateur, L'étudiant en sciences, celui qui a étudié chez les ulema, lorsqu'il part prêcher, il est important qu'il ne rompe pas les contacts avec ses enseignants, avec les savants et les méchirs qui lui ont enseigné. Mais qu'il reste en contact avec eux, qu'il reste profiter d'eux et que de temps en temps, quand il peut, il retourne les voir. Il retourne les voir afin de profiter, de continuer à profiter. Peut-être qu'ils ont un conseil à lui donner ou autre. Mais le fait que l'étudiant, dès qu'il a fini d'étudier, il a fini son cursus, il retourne dans son pays et il se détache totalement des méchéirs, cela n'est pas correct. Et donc, comme vous le savez, barakallahu fikoum, dans cette histoire, Al-Khadir, il a donc percé un bateau afin de protéger les propriétaires de ce bateau, car il y avait un homme qui donc prenait de force tous les bateaux qu'il voyait. Alors Al-Khadir a percé ce bateau afin que ce bateau ne soit pas pris, afin qu'il soit un peu endommagé et que ses propriétaires puissent le garder par la suite. Et comme vous le savez, dans cette histoire, il y a aussi, donc ce qui est très connu, le fait que le Khadir, il a tué un enfant. Et que, en expliquant à Moussa, il expliquait que c'était pour le bien des parents. Et donc, certaines personnes avec une croyance déviante, ils ont dit qu'il était alors permis de délaisser la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la même façon que Al-Khadir a délaissé la législation de Moussa alayhi salat wa salam. Et bien entendu, cela est totalement caduque. Car Al-Khadir, il ne faisait pas partie du peuple de Moussa. Comment pouvons-nous dire qu'il a délaissé la législation de Moussa alors que Moussa n'a pas été envoyé à Al-Khadir? Moussa a été envoyé spécifiquement aux enfants d'Israël. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala dit « Wa idh qala Moussa li qawmihi ya qawmi lima tu'dhunani » لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. Et lorsque Moussa a dit à son peuple, « Ô mon peuple, pourquoi est-ce que vous me faites du tort alors que vous savez que je suis le messager d'Allah qui a été envoyé vers vous, donc vers son peuple, les enfants d'Israël. » Et donc Al-Khadir, il ne faisait pas partie de la législation de Moussa, il ne faisait pas partie du peuple de Moussa, afin qu'on puisse dire qu'il a délaissé la législation de Moussa. Et d'ailleurs, Moussa, comme c'est cité dans le Coran, Moussa alayhi salam, il a demandé à Al-Khadir, il lui a dit « Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda » Est-ce que je peux te suivre? Donc Moussa qui dit à Al-Khadir, est-ce que je peux te suivre afin que tu puisses m'enseigner, m'apprendre ce qui t'a été donné comme science et comme guidée? Et si Moussa, alayhi salam, il avait été envoyé à Al-Khadir, et que Al-Khadir, il entend son messager, le messager d'Allah, qui lui dit ça, alors Al-Khadir, il aurait répondu en disant « Mais non, c'est moi qui te suis au messager d'Allah. » Wa alaykoum salam wa barakatuh. Al-Khadir, il aurait répondu en disant « Mais non, au messager d'Allah, c'est moi qui te suis. » Et il n'a pas fait ça. Et donc, Moussa alayhi salam n'a pas été envoyé vers Al-Khadir. Et aussi, certaines personnes déviantes, ils disent que Al-Khadir était un saint. Ils disent Al-Khadir était un saint et donc le saint est meilleur que le prophète, que le messager. Et c'est pour cela que certains d'entre eux, ils nous disent que le saint, toute personne qui fait partie des saints, est arrivée à atteindre un degré qui fait qu'il ne lui est plus obligatoire de faire quoi que ce soit comme acte d'adoration. Et c'est là qu'on arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'ils disent tout ça en fait. Pourquoi est-ce qu'ils nous disent que certaines personnes ont la capacité de délaisser la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certaines personnes sont meilleures que les prophètes, ce sont des saints, etc. Tout ça pourquoi ? Pour justifier le fait que ces personnes-là, qui selon eux sont des saints, ont délaissé l'adoration. Ont délaissé l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont délaissé cela. Certains ne font plus rien. Plus de salat, plus rien. Ils te disent, moi, il n'est plus obligatoire de faire quoi que ce soit. Il ne m'est plus obligatoire de faire quoi que ce soit. Ça, j'ai atteint un degré qui fait que je n'ai plus... Il ne m'est plus obligatoire de faire quoi que ce soit. Ils vont même tomber dans des péchés. Non, il ne... c'est plus des péchés. C'est... Ça, c'est bon, c'est plus des péchés. Et donc, comme on a cité précédemment, parmi leurs preuves, il y a cette argumentation, le fait que El-Khadir, selon eux, est sorti à quitter la législation de Moussa. Et donc, on peut sortir de la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on a déjà expliqué que cette parole, elle est caduque. Le fait aussi que, donc selon eux, le saint est meilleur que le messager. Cette parole aussi, elle est totalement caduque, qui n'est basée sur aucun fondement du livre ni de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, ils utilisent une autre preuve. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. La certitude. Donc, adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne el-yaqin. El-yaqin, que, comme vous avez pu l'entendre, el-yaqin, on peut traduire ce mot par la certitude. Mais est-ce que c'est ce qui est voulu ici ? Non. Ce n'est pas ce qui est voulu ici. Et donc, eux, ils ont dit, adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Ça y est, j'ai la certitude. Il ne m'est plus obligatoire d'adorer Allah. Il ne m'est plus obligatoire d'adorer mon Seigneur. J'ai la certitude. Qu'est-ce qui est voulu ici par ce mot, el-yaqin ? C'est la mort. Adore ton Seigneur jusqu'à ta mort. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, il dit que les polythéistes, il dit que les incroyants, ils diront au jour de la résurrection, wa kunna nukadhibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin. Et certes, nous avons traité de mensonge le jour de la rétribution jusqu'à ce que nous vienne al-yaqin, la mort. Et donc on a traité de mensonge le jour de la résurrection jusqu'à ce que la mort nous a touchés. Et donc, il est important de comprendre, barakallahu fikoum, cette ambiguïté qui est souvent, qu'on peut trouver aussi donc, parmi les preuves utilisées par les exagérateurs chez les soufis ou d'autres. Et donc, il est bien important, il est très important de comprendre, de bien comprendre ce sujet, barakallahu fikoum. Ensuite, le dernier annulatif. L'auteur, il nous dit, rahimahullah, Al-Ashir, Al-I'radu an dinillah, la yata'allamuhu, wa la ya'malu bihi, wa dalil, qawluhu ta'ala, wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi, thumma a'radu anha, inna minal mujrimina muntaqimun. Et donc l'auteur qui nous dit le dixième annulatif et le dernier qu'il a cité dans son livre, le fait de se détourner de la religion d'Allah, de ne pas l'apprendre et de ne pas œuvrer avec. C'est de la mécréance. Il nous dit la preuve de cela, la parole d'Allah Ta'ala, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Qui est plus injuste que celui qui a été rappelé, que celui dont le rappel des versets de son Seigneur lui a été fait, puis il se détourne de ceci, il se détourne de ces versets. Inna minal mujrimina muntaqimun. Certes, nous allons nous venger des injustes. Et donc le cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, ici, il nous cite qu'est-ce qui est voulu par le fait de se détourner de la religion. Il nous explique que c'est le fait de ne pas l'apprendre, ne pas apprendre la religion, et ne pas œuvrer avec celle-ci. Tu n'apprends pas et tu n'œuvres pas avec l'islam. Et ça, les savants, ils nous disent, ça c'est le détournement total. Certaines personnes peuvent se détourner de l'islam de façon partielle. Ils disent, ça c'est le détournement total. Tu ne veux pas savoir ce que c'est et tu ne veux pas l'appliquer. Ça c'est le détournement total. Et donc, les personnes vont se détourner de l'islam, vont se détourner de la religion de plusieurs façons. Il y a certaines personnes donc qui sont soumises à Allah partiellement, mais qui vont refuser d'apprendre ce qui leur est obligatoire de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, ils sont soumis à Allah tabaraka wa ta'ala de façon générale, mais refusent d'apprendre. La personne qui est dans ce cas-là, cette personne est injuste envers elle-même. Et elle va forcément tomber dans la transgression. Et les savants nous disent le deuxième type, ce sont ceux qui refusent totalement. Ils refusent totalement de répondre à l'appel d'Allah et de son messager. Et donc, ils n'ont pas recherché quoi que ce soit comme information concernant cette religion. Ils ne recherchent pas la réalité de cette religion. Ils ne veulent pas savoir ce que c'est. Ils se sont totalement détournés. Et donc, il n'y a nul doute que ceux-là sont aussi des incroyants. Wa alaykoum salam. Et donc, il n'y a nul doute que ceux-là sont des incroyants. Et le troisième, donc le premier groupe qu'on a cité, donc des personnes qui sont injustes, mais ils ne sont pas sortis de l'islam. Le deuxième, ils ne sont pas musulmans. Le troisième, c'est la personne qui est musulmane, puis qui rejette quelque chose qui est connu de façon indéniable dans notre religion. La personne qui fait cela aura mécru et se sera détournée de cette religion. Elle aura rejeté ce qui est connu de façon indéniable de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme la personne qui va rejeter le caractère obligatoire de la prière. Ou la personne qui va rejeter le caractère obligatoire du jeûne. Ou la personne qui va rejeter le caractère interdit de la fornication. La personne qui te dit, non, c'est pas interdit de forniquer. C'est pas interdit. Et donc cette personne sort de l'islam, car il est connu de façon indéniable que dans la religion musulmane, il est interdit de forniquer. Et donc voilà, au cher frère, barakallahu fikoum, les annulatifs qu'a cité l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, dans ce livre très profitable et concis. Mais n'oubliez pas que certains savants ont dénombré le nombre d'annulatifs, le nombre d'éléments qui font sortir de l'islam, Ils en ont compté bien plus que 100. Certains sont arrivés jusqu'à 400. Et donc ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'il nous est obligatoire, barakallahu fikoum, d'apprendre notre religion. Et c'est ce qu'on cherche à faire, apprendre petit à petit quelles sont nos obligations et qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui nous fait rentrer dans l'islam, qu'est-ce qui nous fait augmenter notre foi, qu'est-ce qui nous fait descendre notre foi, qu'est-ce qui peut nous faire sortir totalement de l'islam. Et donc il est important, barakallahu fikoum, d'apprendre ce genre de choses afin de nous préserver, nous, personnellement. Ça, c'est très important. Je ne vais pas faire plus long que cela, inshallah ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la réussite. Il est capable de toutes choses. La semaine prochaine, inshallah ta'ala, on va sûrement, wallahu a'lam, commencer un autre livre. Bi'idhnillah, on verra, inshallah. Qu'Allah azza wa jalla nous accorde la réussite. Waffaq Allahu al-jami'a لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيراً